La forêt ou l'abbaye de Saint-Clar, par Anne Radcliffe, tome 2, chapitre 1er. Lorsqu'Adeline parut au déjeuner, son air d'accablement et de langueur frappa Madame Lamotte, qui lui demanda si elle était incommodée. Adeline s'efforça de sourire, dit qu'elle n'avait pas bien passé la nuit parce qu'elle avait fait des rêves très effrayants. Elle était sur le point de les décrire, mais un mouvement involontaire l'en empêcha. En même temps, Lamotte tourna tellement ses craintes en ridicule qu'elle fut presque honteuse d'en avoir parlé et s'efforça de chasser le souvenir de ce qui les avait causés. Après le déjeuner, elle tâcha de distraire ses idées en conversant avec Madame Lamotte. Mais elles étaient entièrement occupées par les incidents des 2 derniers jours, par ses songes et par ses conjectures sur les choses que Théodore devait lui communiquer. Ils avaient passé quelques moments dans cet état lorsqu'on entendit des voix s'élever du côté de la grande porte de l'abbaye. Adeline, s'approchant de la fenêtre, vit le marquis et sa suite sur l'esplanade. Le portail de l'abbaye dérobait à ses regards plusieurs gens, parmi lesquels pouvait se trouver Théodore. Elle continuait de le chercher des yeux, lorsque le marquis entra dans la salle avec Lamotte et quelques autres personnes. Bientôt après, Madame Lamotte vint le recevoir, et Adeline se retira dans son appartement. Lamotte ne tarda pas à lui envoyer dire de venir où l'on se rassemblait. Elle espérait en vain d'y trouver Théodore. Le marquis se leva dès qu'elle parut. Il lui fit quelques compliments généraux, après quoi la conversation prit une tournure très animée. Adeline, ne pouvant contrefaire la gaieté au milieu des inquiétudes et de la consternation où son cœur était plongé, y prit bien peu de part. Le nom de Théodore n'y fut pas prononcé une seule fois. Elle eut bien demandé de ses nouvelles, si elle avait pu le faire avec convenance, mais elle fut forcée de se borner à espérer d'abord qu'il viendrait pour dîner, ensuite qu'il paraîtrait avant le départ du marquis. C'est ainsi que la journée se passa en attente et en espérance trompée. Le soir approchait, et elle était condamnée à demeurer en présence du marquis et à paraître écouter une conversation qu'elle entendait à peine, tandis qu'elle manquait peut-être l'occasion qui devait décider de son sort. Elle fut tout à coup tirée de cet état déchirant pour être jetée dans un autre plus cruel encore, s'il était possible. Le marquis s'informa de Louis, et ayant appris son départ, il dit que Théodore Perron était parti le matin pour joindre son régiment dans une province éloignée. Il regretta beaucoup la perte que lui faisait éprouver son absence et donna des louanges très flatteuses à ses talents. Cette nouvelle fut pour Adeline une atteinte à laquelle succombèrent ses esprits longtemps agités. Ses joues pâlirent. Elle fut saisie d'une faiblesse soudaine dont elle ne revint qu'avec la certitude d'avoir trahi son émotion et avec la crainte de retomber dans une seconde défaillance. Et elle passa dans sa chambre. Là, se croyant encore seule, son cœur oppressé trouva du soulagement dans les pleurs qu'elle répandit sans contrainte. Les idées se pressaient tellement dans son âme qu'il se passa bien du temps avant qu'elle y mît assez d'ordre pour produire quelque chose qui approchât du raisonnement. Elle tâcha de s'expliquer la cause du prompt départ de Théodore. « Est-il possible, dit-elle, qu'il s'intéresse à mon sort et qu'il me laisse pleinement exposé à un danger qu'il a prévu lui-même ? Ou me faut-il croire qu'il s'est amusé de ma simplicité par un frivole caprice, et pour m'abandonner ensuite aux étonnantes appréhensions qu'il m'a inspirées? C'est impossible. Une figure si noble, des manières si aimables, ne peuvent jamais cacher un cœur capable de former un projet aussi bas. Non, quelque chose qui m'arrive, je ne renoncerai pas à la satisfaction de le croire digne de mon estime. » Elle fut tirée de cette rêverie par un coup de tonnerre éloigné et s'aperçut alors que l'obscurité du soir était épaissie par l'approche de l'orage. Il s'avançait en grondant, et bientôt les éclairs semblèrent embraser la chambre. Adeline était au-dessus du sentiment d'une crainte vulgaire. Cependant, elle éprouvait de la peine à se trouver seule, et se flattant que le marquis aurait quitté l'abbaye, elle descendit dans le salon. Mais l'aspect menaçant des nuages l'avait retenue, et la tempête du soir arrivée, il se félicita de ne s'être pas éloigné. L'orage continua et la nuit survint. Lamotte pressa son hôte d'accepter un lit à l'abbaye. Il y consentit enfin. Circonstance qui jeta Madame Lamotte dans quelque embarras relativement aux aisances qu'il fallut lui procurer. Après y avoir songé, elle arrangea la chose à sa propre satisfaction en cédant son appartement au marquis et celui de Louis à 2 des principales personnes de sa suite. Il fut en outre convenu qu'Adeline donnerait sa chambre à monsieur et à madame Lamotte, et se retirait dans une chambre intérieure où l'on plaça pour elle un petit lit qu'Annette occupait ordinairement. Pendant le souper, le marquis fut moins gai que de coutume. Il adressait souvent la parole à Adeline. Ses regards et ses manières semblaient exprimer le tendre intérêt que lui avait inspiré son indisposition, car elle avait toujours l'air pâle et languissant. Adeline, à son ordinaire, fit un effort pour oublier ses inquiétudes et pour paraître contente. Mais le voile d'une gaieté d'emprunt était trop léger pour cacher les traits de la douleur, et ses faibles sourires ne faisaient que donner une teinte de douceur à sa tristesse. Le marquis s'entretint avec elle sur divers sujets et développa des connaissances choisies. Les remarques d'Adeline, qu'elle n'exprimait que lorsqu'elle en était pressée et avec une modeste répugnance, semblaient exciter en lui une admiration qu'il trahissait souvent par les termes qui lui échappaient comme par inadvertance. Adeline se retira de bonne heure dans sa chambre qui tenait d'un côté à celle de Madame Lamotte et de l'autre au cabinet dont on a déjà parlé. Elle était spacieuse et élevée, et le peu de meubles qui s'y trouvaient était en mauvais état. Peut-être aussi que la situation actuelle de son âme contribuait à donner à l'appartement cet air de mélancolie qu'elle semblait y voir régner. Elle n'était pas disposée à se coucher, de peur de retomber dans les songes qui l'avaient poursuivie dernièrement, et elle résolut de rester assise jusqu'à ce qu'elle se trouve accablée par le sommeil et qu'elle pût compter sur un profond repos. Elle posa sa lumière sur une petite table, prit un livre et prolongea sa lecture pendant près d'une heure. Alors son âme refusa de se distraire plus longtemps de ses propres chagrins, et elle demeura quelque temps appuyée sur son bras dans une attitude pensive. Le vent était fort. Lorsqu'il sifflait à travers l'appartement solitaire et qu'il ébranlait les faibles portes, souvent elle tressaillait. Quelquefois même elle croyait entendre des soupirs dans l'intervalle des bouffées, mais elle repoussait les illusions que la nuit et sa triste imagination conspiraient à enfanter. Comme elle rêvait, les yeux fixés sur le mur opposé, elle s'aperçut que la tapisserie, dont la chambre était tendue, flottait en arrière et en avant. Elle la regarda pendant quelques minutes, et puis elle se leva pour l'examiner de plus près. C'est le vent qui la faisait mouvoir. Elle rougit de la crainte passagère qu'elle en avait conçue. Mais elle observa que la tapisserie était plus fortement agitée dans certains endroits qu'ailleurs, et qu'il sortait de là un bruit qui semblait quelque chose de plus que le souffle du vent. Le vieux bois de lit que Lamotte avait trouvé dans cet appartement avait été enlevé pour meubler Adeline. Et c'est de derrière l'endroit d'où il avait été enlevé que le vent semblait sortir avec une force singulière. La curiosité lui fit poursuivre son examen. Elle tâtonna sur la tapisserie, et sentant le mur céder sous sa main, elle leva la tenture et découvrit une petite porte dont les ferrures ébranlées laissaient pénétrer le vent et occasionnaient le bruit qu'elle avait entendu. La porte n'était retenue que par un verrou. Elle le tire, et prenant la lumière, elle descend par quelques marches dans une autre chambre. Aussitôt elle se rappelle ses songes. Cette chambre ne ressemblait pas beaucoup à celle où elle avait vu le chevalier mourant, et ensuite la bière, mais elle lui donnait un souvenir confus d'une autre pièce qu'elle avait traversée. En élevant la lumière pour la mieux examiner, elle fut convaincue par sa structure qu'elle faisait partie de l'ancienne fondation. Une fenêtre délabrée, placée bien au-dessus du plancher, semblait la seule ouverture qui dut admettre la clarté. Elle remarqua une porte au côté opposé de l'appartement, et après avoir hésité quelques moments, elle reprit courage et résolut de poursuivre sa recherche. « Il semble, dit-elle, qu'il y ait dans ces chambres un mystère que je suis peut-être destinée à pénétrer. Je verrai du moins où conduit cette porte. » Elle s'avança, et l'ayant ouverte, traversa d'un pas chancelant une longue suite d'appartements qui ressemblaient au premier par leur état et leur structure, et qui se terminaient par une pièce exactement conforme à celle où elle avait vu en songe la personne mourante. Ce souvenir frappa si fortement son imagination qu'elle fut en danger de s'évanouir, et qu'en regardant autour de la chambre, elle s'attendit presque à voir le fantôme de son rêve. N'ayant pas la force de se retirer, elle s'assit sur quelques vieux meubles pour reprendre ses sens, car son âme était sur le point d'être accablée par une terreur superstitieuse, telle qu'elle n'en avait jamais éprouvé de semblable. Elle voyait avec étonnement à quelle partie de l'abbaye appartenaient ces chambres. Elle était surprise qu'on eût été si longtemps sans les découvrir. Toutes les fenêtres étaient trop élevées pour lui procurer du dehors quelque éclaircissement. Quand elle fut suffisamment calmée pour considérer la direction des chambres et la situation de l'abbaye, elle ne douta plus qu'elle n'eût formé une partie intérieure du premier bâtiment. Pendant que ces réflexions se succédaient dans son esprit, une lueur subite du clair de lune frappa sur quelque objet en dehors de la fenêtre. Étant alors assez tranquille pour continuer sa recherche, et croyant que cet objet pourrait lui donner quelque moyen de connaître la situation des chambres, elle combattit les craintes qui lui restaient, et pour le distinguer plus clairement, elle porta sa lumière dans une pièce plus éloignée. Mais avant de pouvoir revenir, un nuage épais cacha le disque de la lune et tout fut dans l'obscurité au dehors. Elle attendit quelques moments si la lueur reparaîtrait, mais l'obscurité continua. En retournant doucement pour reprendre sa lumière, son pied heurta contre quelque chose sur le plancher, et pendant qu'elle s'arrêtait pour l'examiner, la lune brilla de nouveau, de sorte qu'elle put distinguer à travers la fenêtre les tours orientales de l'abbaye. Cette découverte confirma ses premières conjectures concernant la situation intérieure de ses appartements. L'obscurité du lieu l'empêcha de reconnaître ce qui avait embarrassé ses pas, mais ayant approché la lumière, elle aperçut sur le plancher un vieux poignard. Elle le leva d'une main tremblante, et en l'examinant de plus près, elle vit qu'il était couvert de rouille. Frappée d'étonnement, elle regarde autour de la chambre si elle verra quelque objet qui puisse confirmer ou détruire les affreux soupçons qui s'élevaient alors dans son âme. Mais elle ne voit rien, si ce n'est, dans le coin de la pièce, un grand fauteuil dont les bras étaient rompus et une table tout aussi délabrée. Enfin, elle aperçut d'un autre côté un amas confus de choses qui semblaient être de vieux meubles. Elle s'en approcha et distingua un bois de lit brisé, avec quelques lambeaux d'ameublement couverts de poussière et de toiles d'araignée, et qui paraissait en effet n'avoir pas été remué depuis un grand nombre d'années. Désirant pousser son examen plus loin, elle essaya de soulever ce qui paraissait avoir fait partie du bois de lit, mais l'objet échappa de sa main et, roulant sur le plancher, entraîna avec soi quelques débris de meubles. Adeline s'écarta en tressaillant et se mit à fuir. Mais quand le bruit de cette chute fut passé, elle entendit un frottement léger, et sur le point de sortir de la chambre, elle vit quelque chose tomber doucement parmi les meubles. C'était un petit rouleau de papier lié avec une ficelle et couvert de poussière. Adeline le prit, et en l'ouvrant aperçut de l'écriture. Elle essaya de la lire, mais la partie du manuscrit qu'elle regardait était si effacée qu'elle y trouva de la difficulté. Cependant, le peu de mots qui étaient lisibles lui avaient inspiré de la curiosité et de la terreur, et l'engagèrent à l'emporter tout de suite dans sa chambre. Lorsqu'elle y fut rentrée, elle ferma la fausse porte et laissa tomber la tapisserie dessus comme auparavant. Il était alors minuit. La tranquillité du milieu de la nuit, qu'interrompait seulement, par intervalles, les gémissements sourds de l'ouragan, exaltait la terreur des sensations d'Adeline. Elle eût voulu n'être pas seule, et avant de se mettre à lire le manuscrit, elle écouta si Madame Lamothe était encore dans sa chambre. On n'entendait pas le moindre bruit. Elle ouvrit doucement la porte. Le silence profond qui régnait dans l'intérieur lui persuada presque qu'il n'y avait personne. Mais voulant mieux s'en assurer, elle apporta sa lumière et trouva la place vide. Elle était étonnée que Madame Lamothe ne fût pas encore dans sa chambre à une heure aussi avancée. Et elle vint au haut de l'escalier de la tour pour écouter si personne ne bougeait. Elle entendit en bas plusieurs voix, et entre autres celle de Madame Lamothe parlant avec son ton accoutumé. Certaine alors que tout allait bien, elle reprenait le chemin de son appartement. Lorsqu'elle entendit le marquis prononcer son nom avec une emphase extraordinaire, elle s'arrêta. « Je l'adore, » continua-t-il, « et je jure... » Il fut interrompu par Lamothe. « Monseigneur, souvenez-vous de votre promesse. »« Je m'en souviens, » répliqua le marquis, « et je la tiendrai. Mais brisons là-dessus. Demain, je me déclarerai, et je saurai alors ce que je dois espérer et ce que je dois faire. » Adeline tremblait si fort qu'à peine pouvait-elle se soutenir. Elle voulait retourner à sa chambre, mais les paroles qu'elle venait d'entendre la concernaient de trop près pour qu'elle ne fût pas inquiète d'en avoir une plus ample explication. Il y eut un intervalle de silence, après lequel ils se parlèrent d'un ton plus bas. Adeline se rappela les avis de Théodore et résolut de sortir, s'il était possible, de l'inquiétude qu'elle éprouvait alors. Elle descendit doucement quelques marches, afin de mieux saisir les accents des interlocuteurs. Mais il parlait si bas qu'elle n'entendait que quelques mots de temps à autre. « Son père, dites-vous ? » dit le marquis. « Oui, monseigneur, son père. Je suis très bien informé de ce que je vous dis. » Adeline frémit d'entendre parler de son père. Elle fut saisie d'une nouvelle terreur, et poussée d'une curiosité plus vive, elle tâcha de distinguer leurs paroles. Mais cela lui fut impossible pendant quelques instants. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit le marquis. « À demain, donc. » Elle entendit Lamothe se lever, et croyant que c'était pour sortir de la chambre, elle précipita ses pas, et étant arrivée chez elle, tomba presque sans vie dans un fauteuil. Elle ne pensait uniquement qu'à son père. Elle ne doutait pas qu'il n'eût cherché et découvert sa retraite. Et quoique cette conduite ne parût point du tout conséquente avec ses premiers procédés, lorsqu'il l'avait abandonné à des étrangers, ses craintes lui faisaient croire qu'il lui réservait quelque nouvelle barbarie. Elle ne balança point à prononcer que c'était là le danger dont Théodore l'avait averti. Mais il lui était impossible d'imaginer comment il en avait eu connaissance ou comment il avait été informé de ses aventures, à moins que ce ne fût par Lamotte, son ami et son protecteur en apparence, mais qu'elle soupçonnait alors, quoique malgré elle, de l'avoir trahi. En effet, pourquoi Lamotte ne cachait-il qu'à elle seule la connaissance des intentions de son père, à moins qu'il n'eût le projet de la livrer entre ses mains? Mais il lui fallut encore longtemps pour croire cette conséquence possible. Découvrir le crime dans ceux que nous avons aimés, c'est un des tourments les plus cruels pour une âme vertueuse, et l'on repousse souvent la conviction avant de s'y rendre. Les paroles de Théodore, par lesquelles il la prévenait qu'elle était trompée, confirmèrent cette affreuse appréhension sur Lamotte, ainsi qu'une autre encore plus affligeante, savoir que Madame Lamotte conspirait aussi contre elle. Cette pensée surmonta ses craintes pour un moment et la laissa tout entière à la douleur. Elle pleura amèrement. « Est-ce donc là, s'écria-t-elle, la nature humaine? Suis-je condamnée à ne rencontrer que des perfides ?» La découverte imprévue du vice chez ceux que nous avons admirés nous porte à étendre notre censure de l'individu à l'espèce. C'est alors que nous concluons qu'il ne faut se lier à personne. Adeline résolut de se jeter aux pieds de Lamotte le lendemain matin et d'implorer sa pitié et sa protection. Son âme était alors trop agitée par ses propres intérêts pour lui permettre d'examiner le manuscrit, et elle continua de rêver jusqu'à ce qu'elle entendît le pas de Madame Lamotte qui allait se coucher. Bientôt après, Lamotte monta dans sa chambre et Adeline, la bonne et persécutée Adeline, qui venait de passer 2 jours dans une anxiété déchirante et une nuit dans des visions affreuses, tâcha de calmer son âme et de la préparer au repos. Dans l'état actuel de ses esprits, elle prenait aisément l'alarme. À peine s'était-elle assoupie qu'elle fut éveillée par un bruit très extraordinaire. Elle prêta l'oreille et crut que le son venait des appartements d'en bas, mais au bout de quelques minutes, on frappa précipitamment à la porte de la chambre de Lamotte. Il venait de s'endormir, et on ne pouvait pas l'éveiller facilement. Mais le bruit redoubla avec tant de violence qu'Adeline, extrêmement épouvantée, se leva et vint à la porte qui donnait de sa chambre dans la sienne, avec le dessein de l'appeler. Elle fut arrêtée par la voix du marquis, qu'elle vit alors distinctement à la porte. Il disait à Lamotte de se lever sur le champ, et Madame Lamotte s'efforçait en même temps de réveiller son mari. À la fin, il s'éveilla très alarmé, et bientôt après, ayant joint le marquis, ils descendirent ensemble l'escalier. Alors Adeline s'habilla autant que ses mains tremblantes le lui permirent et passa dans la pièce adjacente où elle trouva Madame Lamotte singulièrement surprise et épouvantée. Cependant le marquis dit à Lamotte, avec une grande émotion, qu'il se rappelait avoir donné rendez-vous à quelques personnes de grand matin pour des affaires importantes et que par conséquent il était nécessaire qu'il se rendît sans délai à son château. Pendant qu'il disait cela, et qu'il recommandait qu'on appelât ces gens, Lamotte ne put s'empêcher de remarquer la pâleur livide de son visage, ni de témoigner quelque crainte qu'il ne fût indisposé. Le marquis l'assura qu'il était très bien portant, mais désira pouvoir partir tout de suite. Pierre reçut l'ordre d'appeler les autres domestiques. Le marquis, après avoir refusé de prendre aucun rafraîchissement, se hâta de dire adieu à Lamotte, et dès que ces gens furent prêts, il s'éloigna de l'abbaye. Lamotte rentra dans sa chambre, rêvant au départ subi de son hôte, dont l'agitation paraissait beaucoup trop forte pour provenir de la cause qu'il avait indiquée. Il calma les inquiétudes de Madame Lamotte, et en même temps excita sa surprise en lui apprenant le motif de la dernière alerte. Adeline, qui était sortie de la chambre à l'arrivée de Lamotte, regarda par sa fenêtre lorsqu'elle entendit les pas des chevaux. C'était le marquis et sa suite qui passaient alors à peu de distance. Ne pouvant distinguer qui c'était, elle fut effrayée de voir tant de monde près de l'abbaye à une pareille heure, et ayant appelé Lamotte pour l'informer de cet incident, elle apprit ce qui s'était passé. Enfin, elle alla se coucher, et cette nuit, son sommeil ne fut point interrompu par des rêves. Le matin, lorsqu'elle se leva, elle vit Lamotte qui se promenait seule dans l'avenue, et elle s'empressa de saisir l'occasion qui se présentait de plaider sa cause. Elle l'aborda d'un pas tremblant. Ses regards timides, son visage pâle découvrirent le désordre de son âme. Du premier mot, sans entrer en explication, elle implora sa pitié. Lamotte s'arrêta, et la regardant fixement, lui demanda si quelque partie de sa conduite à son égard méritait le soupçon que sa prière supposait. Adeline rougit un instant d'avoir douté de sa probité, mais les paroles qu'elle avait entendues revinrent dans sa mémoire. « Je reconnais, dit-elle, monsieur, que votre conduite a été bienfaisante et généreuse au-dessus de tout ce que j'étais en droit d'espérer, mais... » Elle s'interrompit. Elle ne savait comment parler de ce qu'elle rougissait de croire. La Motte continua de la regarder dans une attente silencieuse, et enfin elle apprit à de poursuivre et de s'expliquer. Elle le conjura de la protéger contre son père. La Motte eut l'air surpris et troublé. « Votre père ? » dit-il. « Oui, monsieur, » reprit Adeline. « Je n'ignore point qu'il a découvert ma retraite. J'ai tout à redouter d'un parent qui m'a traité avec la barbarie dont vous avez été témoin, et je vous supplie de nouveau de me préserver de tomber en son pouvoir. » La Motte demeura absorbée dans ses réflexions, et Adeline redoubla d'efforts pour intéresser sa pitié. « Quelle raison avez-vous de supposer, ou plutôt comment avez-vous appris que votre père vous cherche ?» La question déconcerta Adeline, et elle rougissait de convenir qu'elle avait épié ses discours, et ne pouvait se résoudre à imaginer ou à dire un mensonge. Enfin, elle avoua la vérité. Le visage de la Motte prit tout à coup un air sauvage et courroucé, et lui reprochant durement une conduite qui était plus l'ouvrage du hasard que d'aucun dessein prémédité, il lui demanda ce qu'elle avait entendu pour en être si fort alarmée. Elle répéta fidèlement les phrases incohérentes qui avaient frappé son oreille. Pendant qu'elle parlait, il la fixa d'un regard attentif. « C'est donc là tout ce que vous avez entendu ? Et c'est de ce peu de paroles que vous tirez une conséquence aussi positive ? Pesez-les, et vous verrez qu'elle ne la justifie pas. » Elle aperçut alors que ce que la vivacité de ses craintes ne lui avait pas d'abord permis d'examiner, savoir que ces mots, tels qu'elle les avait entendus, sans aucune liaison, signifiaient peu de choses, et que son imagination avait rempli le vide des phrases de manière à lui présenter les malheurs qu'elle redoutait. Néanmoins, ses craintes n'étaient pas trop calmées. « Vos appréhensions sont sans doute dissipées, » reprit la Motte, « mais pour vous donner des preuves d'une franchise que vous avez osé soupçonner, je vous dirai tout. Vous paraissez alarmé, et c'est avec raison. Votre père a découvert votre résidence et vous a déjà réclamé. Il est vrai que par un motif de compassion, j'ai refusé de vous livrer. Mais je n'ai ni le droit de vous retenir, ni les moyens de vous défendre lorsqu'il viendra vous redemander lui-même. Vous serez forcé d'en convenir. Préparez-vous donc à un malheur qui, vous le voyez, est inévitable. » Pendant quelque temps, Adeline ne put s'exprimer que par ses larmes. Enfin, avec le courage du désespoir, elle dit « Je me résigne à la volonté du ciel. » La Motte la regardait en silence et son visage décelait une vive émotion. Il s'abstint cependant de continuer la conversation et regagna l'abbaye, laissant Adeline abîmée dans la douleur. Appelée pour déjeuner, elle se hâta de rentrer au salon, où elle passait la matinée à s'entretenir avec Madame La Motte. Elle lui dit toutes ses craintes, lui exprima tous ses chagrins. Quoique Madame La Motte parût très affectée du discours d'Adeline, une consolation superficielle était tout ce qu'elle pouvait lui offrir. Ainsi coulaient tristement les heures, tandis que les inquiétudes d'Adeline augmentaient et que son moment fatal semblait approcher rapidement. Le dîner finissait à peine qu'Adeline fut étonnée de voir arriver le marquis. Il entra dans la chambre avec l'aisance qui lui était familière, et s'excusant de l'embarras qu'il avait occasionné la nuit précédente, il répéta ce qu'il avait déjà dit à la Motte. Le souvenir de la conversation qu'Adeline avait écoutée ne laissa pas que de la troubler d'abord, et détourna son âme du sentiment des mots qu'elle redoutait de la part de son père. Le marquis, qui avait toujours les mêmes attentions pour Adeline, parut affecté de son apparente indisposition et témoigna prendre beaucoup de part à cet accablement que son extérieur trahissait en dépit de tous ses efforts. Quand Madame La Motte se retira, Adeline voulut la suivre, mais le marquis la pria de lui accorder un moment d'attention et la reconduisit à son fauteuil. Tout d'un coup, La Motte s'éclipsa. Adeline savait trop bien à quoi pourrait tendre les discours du marquis, et ses premières paroles redoublèrent bientôt le désordre où ses craintes l'avaient jeté. Il commençait à lui déclarer sa passion avec cette chaleur que l'on ne prend que trop souvent pour la franchise. Supposée honnête, cette déclaration affligeait Adeline. Supposée malhonnête, elle la révoltait. Elle interrompit le marquis et le remercia de l'offre d'une distinction qu'elle prétendit devoir refuser, et cela d'un air aussi modeste que décidé. Elle se leva pour se retirer. « Demeurez, trop aimable Adeline, dit-il, et si quelque pitié ne vous intéresse pas à mes souffrances, que la considération de vos propres dangers vous y rende sensible. Monsieur La Motte m'a prévenu de vos malheurs, et de ceux qui vous menacent aujourd'hui. Recevez de moi la protection qu'il ne peut vous donner. » Adeline continuait de gagner la porte. Le marquis se jette à ses pieds et, lui saisissant la main, la couvre de baisers. Elle se débat pour se dégager. « Écoutez-moi, charmante Adeline, écoutez-moi. » S'écria le marquis. « Je n'existe que pour vous. Rendez-vous à mes instances, et ma fortune vous appartient. Ne me réduisez pas au désespoir, par une rigueur mal entendue, ou parce que... » « Monseigneur, » interrompit Adeline, avec un air de dignité inexprimable, et affectant toujours de croire ses propositions honnêtes, « je sens toute la générosité de votre procédé, et suis flatté de la distinction que vous m'offrez. C'est pourquoi je dirai quelque chose de plus qu'il ne serait nécessaire, pour la simple expression d'un refus dans lequel je dois persister. » Je ne puis disposer de mon cœur. Vous ne pouvez obtenir rien de plus que mon estime, et rien ne saurait vous l'attirer davantage que de vous abstenir dorénavant de toute proposition de cette nature. » Elle s'efforça encore de s'en aller, mais le marquis l'en empêcha, et après avoir hésité quelque temps, renouvela ses sollicitations dans des termes qu'elle ne pouvait plus avoir l'air de ne pas comprendre. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle tâcha de les retenir. Et avec un regard où la douleur et l'indignation semblaient disputer d'énergie, elle dit « Monseigneur, ceci ne mérite pas de réponse, laissez-moi passer. » Il fut un instant contenu par la dignité de ses manières et tomba à ses genoux pour implorer sa grâce. Mais elle détourna sa main sans rien dire et sortit de la salle. Rentrée dans la chambre, elle ferma la porte, se jeta dans un fauteuil en soupirant et succomba au chagrin qui accablait son cœur. Et ce n'était pas le moindre de ses ennuis que de soupçonner la Motte indigne de sa confiance, car il était presque impossible qu'il ignorât les véritables desseins du marquis. Elle croyait que Madame la Motte était la dupe du prétexte spécieux d'un attachement honnête, et elle s'épargnait ainsi la douleur de douter de sa délicatesse. Elle jeta un regard tremblant sur la perspective qui l'entourait. D'un côté, son père, dont la barbarie s'était déjà trop clairement manifestée, et de l'autre, le marquis la persécutant par l'outrage et par une passion vicieuse, elle résolut de faire part à Madame la Motte de sa dernière conversation dans l'espoir de la toucher et d'en être protégée. Elle essuya ses larmes et allait sortir de la chambre. Justement alors, Madame la Motte y entra. Tandis qu'Adeline racontait ce qui s'était passé, son amie pleurait et semblait éprouver une grande agitation. Elle s'efforça de rassurer Adeline et promit de se servir de son influence pour persuader à la Motte d'empêcher le marquis de renouveler ses propositions. « Vous savez, ma bonne amie, ajouta Madame la Motte, que notre position présente nous oblige à ménager le marquis. Vous ferez bien de laisser paraître le moins de ressentiment possible dans vos manières envers lui. Comportez-vous à ses yeux avec votre aisance ordinaire, et je ne doute point que tout ceci ne se passe sans vous exposer à de nouvelles sollicitations. « Ah, madame, dit Adeline, quelle tâche difficile vous m'imposez. Je vous en conjure, que je ne sois plus exposé à l'humiliation de me trouver en sa présence. Toutes les fois qu'il viendra dans l'abbaye, souffrez que je ne sorte pas de ma chambre. » « J'y consentirai de tout mon cœur, dit Madame la Motte, si notre position le permettait. Mais vous savez que l'asile dépend de la bienveillance du marquis, bienveillance que nous ne devons pas hasarder légèrement. Et certes, la conduite que vous proposez nous en ferait courir le danger. Prenons des mesures plus douces. Et nous conserverons son amitié sans vous exposer à aucun risque sérieux. Montrez-vous avec votre complaisance accoutumée. La tâche n'est pas aussi difficile que vous l'imaginez. » Adeline soupira. « Je vous obéis, madame. C'est mon devoir. Mais vous me pardonnerez de vous dire que c'est avec une extrême répugnance. » Madame la Motte promit d'aller trouver son mari sur le champ. Et Adeline se retira, non pas convaincue qu'elle n'avait plus rien à craindre, mais un peu plus tranquillisée. Bientôt après, elle vit partir le marquis. Comme rien ne paraissait plus alors s'opposer au retour de Madame la Motte, elle l'attendit avec la plus grande impatience. Après avoir ainsi demeuré près d'une heure dans sa chambre, on va enfin lui dire de descendre au salon. Elle y trouva M. la Motte tout seul. Il se leva à son approche et marcha quelques minutes sans parler. Alors il s'assit et lui adressant la parole. « Ce que vous avez rapporté à Madame la Motte, dit-il, m'inquiéterait beaucoup. » Si je voyais la conduite du marquis sous un point de vue aussi sérieux qu'elle le considère. Je sais que les jeunes personnes sont disposées à mésinterpréter l'insignifiante galanterie des gens du monde. Et vous, Adeline, vous ne sauriez jamais mettre trop d'attention à distinguer une légèreté de ce genre d'une sollicitation plus sérieuse. Adeline fut surprise et offensée que La Motte pût apprécier son intelligence et ses dispositions aussi légèrement que le supposait son discours. « Est-il possible, monsieur, lui dit-elle, que vous soyez informé de la conduite du marquis ?»« Cela est très possible et très sûr, » répliqua La Motte un peu sèchement. « Et il est aussi très possible que je voie cette affaire avec un jugement moins trompé que le vôtre par la prévention. Quoi qu'il en soit, je ne conteste pas sur ce point. Je vous demanderai seulement, puisque vous connaissez les dangers de ma situation, de vous y conformer et de ne pas vous exposer par un ressentiment déplacé au courroux du marquis. Il est à présent mon ami, et pour ma sûreté, il faut qu'il continue de l'être. Mais si je souffre que quelqu'un de ma famille le traite avec grossièreté, je dois m'attendre à le voir mon ennemi. Il vous est certainement facile d'avoir pour lui des égards. » Adeline trouva bien dur le mot de grossièreté dans le sens que lui donnait La Motte, mais elle s'interdit toute expression de mécontentement. « J'aurais désiré, monsieur, lui dit-elle, avoir le droit de me retirer dès que le marquis paraîtrait. Mais puisque vous pensez que cette conduite peut compromettre vos intérêts, je dois me résigner. » « Cette prudence et cette docilité m'enchantent, dit La Motte. Et puisque vous désirez m'être utile, sachez que vous ne pouvez mieux y parvenir qu'en traitant ce seigneur comme un ami. » L'expression « ami », rapprochée de l'idée du marquis, forma une dissonance à l'oreille d'Adeline. Elle hésita et regarda La Motte. « En qualité de votre ami, monsieur, je m'efforcerai de le traiter. » Elle lui voulut dire « comme le mien », mais il lui fut impossible de terminer la phrase. Elle implora sa protection contre l'autorité de son père. « Comptez sur toute la protection que je puis vous donner, » dit La Motte, « mais vous savez combien je suis dénué du droit et des moyens de lui résister. Puisqu'il a découvert votre retraite, il n'ignore probablement pas les circonstances qui me retiennent ici. Et si je m'oppose à ses desseins, il peut croire que la voie la meilleure pour vous avoir en sa possession, c'est de me découvrir aux officiers de justice. Nous sommes environnés de périls. Que ne puis-je entrevoir quelque moyen de vous y dérober ? Quittez cette abbaye, dit Adeline, et cherchez un asile en Suisse ou en Allemagne. Vous serez alors délivré de toute obligation envers le marquis et de la persécution que vous redoutez. Pardonnez, si je vous donne un conseil, que sans doute m'inspire à certains points le désir de ma propre sûreté, mais qui en même temps paraît offrir les seuls moyens de consolider la vôtre. Votre plan serait raisonnable, dit La Motte, si j'avais de l'argent pour l'exécuter. Quant à présent, je dois me borner à rester ici autant ignorer qu'il est possible, en me faisant des amis de ceux qui me connaissent. Je dois surtout conserver la faveur du marquis. Il pourrait beaucoup, si votre père prenait contre vous des mesures extrêmes. Mais que dis-je ? Votre père s'y est peut-être déjà porté, et peut-être les effets de sa vengeance sont-ils suspendus sur ma tête. Je m'y trouve exposé, Adeline, par l'intérêt que je prends à vous. Si je vous eusse remise entre ses mains, je n'aurais aucun sujet de crainte. Cette preuve de l'affection de La Motte, dont Adeline ne pouvait douter, la pénétra si fort qu'il lui fut impossible d'en exprimer le sentiment. Dès qu'elle put parler, elle témoigna sa reconnaissance dans les termes les plus animés. « Ces expressions sont-elles sincères ? » dit La Motte. « Est-il possible que je ne sois pas vrai ? » répliqua Adeline en pleurant, au soupçon d'ingratitude. « Il est facile, » dit La Motte, « de prononcer des sentiments, sans qu'ils partent du cœur. Je ne crois à leur sincérité que lorsqu'ils influent sur nos actions. » « Que prétendez-vous ? » dit Adeline avec surprise. « Je prétends vous demander si, dans le cas où l'occasion s'offrirait de me prouver ainsi votre reconnaissance, vous seriez fidèle à vos sentiments ?»« Indiquez-en une que je puisse ne pas saisir, » dit Adeline avec énergie. « Par exemple, si le marquis vous faisait désormais l'aveu d'une passion sérieuse et vous offrait sa main, quelques petits ressentiments, quelques préoccupations secrètes pour un amant plus heureux, ne vous engagerait-il point à refuser ?» Adeline rougit et baissa les yeux vers la terre. « Vous avez en effet indiqué la seule occasion où je refuserais de prouver ma sincérité. Je ne puis jamais aimer le marquis, ni même l'estimer, à vous parler franchement. J'avoue que le repos d'une vie entière est un trop grand sacrifice, même pour la reconnaissance. » La Motte parut mécontent. « Je l'avais bien prévu, » dit-il. « Ces sentiments délicats figurent à merveille dans les discours et rendent infiniment aimable la personne qui les exprime. » Mais mettez-les à l'épreuve de l'action, ils s'évaporent en fumée et ne laissent après eux que le naufrage de la vanité. » Cet injuste sarcasme fit venir les larmes aux yeux d'Adeline. « Puisque votre sûreté, monsieur, dépend de ma conduite, dit-elle, rendez-moi à mon père. je consens à retourner auprès de lui dès que mon séjour ici doit vous entraîner dans de nouveaux malheurs. Souffrez que je ne me montre pas indigne de la protection que j'ai trouvée jusqu'à ce jour en préférant mon bien-être au vôtre. Quand je serai parti, vous n'aurez plus aucun sujet de craindre de la part du marquis, au mécontentement duquel vous seriez probablement exposé si je demeurais ici, car je sens qu'il me serait impossible d'écouter ses sollicitations, qu'elle connaître que puissent être ses vues. » La Motte parut saisie et alarmée. « Cela ne sera pas, » dit-il. « Ne nous fatiguons point à nous représenter comme possible les malheurs que nous ne chercherions à éviter ensuite qu'en nous précipitant dans des malheurs certains. Non, Adeline, quoique vous soyez prête à vous sacrifier à ma sûreté, je n'y consentirai pas. Je ne vous rendrai pas, votre père, que je n'y sois forcé. Soyez donc tranquille sur ce point. Tout ce que je vous demande en récompense, c'est de vous conduire poliment avec le marquis. » « Je tâcherai de vous obéir, monsieur, » dit Adeline. En ce moment, Madame Lamothe entra dans le salon, et cette conversation finit. Adeline passa la soirée dans de tristes réflexions et se retira dans sa chambre le plus tôt possible, empressée de chercher au sein du sommeil un refuge contre ses chagrins.